Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on. You just got a little Je sais pas qu'il pouvait y avoir des fêtes aussi cool dans toute la galaxie. Ouais, ça reste assez rustique quand même. Bah, c'est la fête des Lanais, les surveillantes. Ça a lieu tous les ans et l'école y participe pour les remercier de leur loyaux service. Ouais, en fait, les profs l'ont expliqué tout à l'heure. Ouais, j'étais là. Qui veut lécher mon corps? Qui veut lécher mon corps? Je sais pas ce qu'ils ont mis dans mon verre, mais c'est un goût que j'ai mis un peu. C'est un type en fou. Je vais plutôt tester la sangria. Attention, ne pas trop boire. Tu pourrais devenir saoul. Mec, s'il te plaît. Tu veux le sangria aussi? Je vais te chercher ça. Mais non, enfin. Bon bah, je fais quoi maintenant, moi? Alors, qu'est-ce que tu fais tout seul, mon petit gondin? Je suis pas tout seul, mes amis sont juste ailleurs. Je vois. Tu ne danses pas? Non, c'est pas trop mon truc. Ouais. Il y avait une énorme queue pour avoir de la sangria, alors j'ai pris un peu de vodka pomme. Oh, mais tu avais vraiment des amis, en fait. Bah oui. T'en veux un peu? Non, attends, j'ai tout fini. Est-ce que je vais en prendre? J'en sais rien, moi. T'as pas déjà assez bu? Mais t'as raison, je vais prendre autre chose. T'es qui la sangria? Si tu veux. Bon, elle est partie. Et vous, Qui-Gon Jinn, vous êtes tout seul aussi? Ah bah, il est parti aussi. Pousse-toi! Monsieur Skywalker? Oh, pousse-toi! Monsieur Skywalker? Laisse-moi m'asseoir, ok? Ok. J'aurais pas dû boire autant de shampoing, hein. Oh, les bulles, ça me file toujours des gaz, c'est dingue! Ouais, j'entends ça. Dis-moi, ça te dérange pas si je m'allonge un peu sur toi et que je fais une petite sieste? Merde.